Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va essayer de commenter hebdomadaire à notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, l'événement de la semaine, puis pas juste l'événement de la semaine, je pense que ça va être l'événement de l'année, c'est la victoire de Tiger Woods au Masters. Écoute, je suis pas un grand connaisseur de golf, puis je suis pas un amateur de golf, mais tu sais, il y a des événements qui sont plus gros que son sport. Puis ce que Tiger a fait la semaine passée, c'est incroyable. Puis il y a Michael Jordan qui a déclaré que c'était le plus grand retour de l'histoire. Ben écoute, d'abord, il faut le dire que la chimie entre les maniaques de golf et Tiger Woods ne s'est jamais, avec les dernières années, évaporée. Là. Même si Tiger a vécu des problèmes personnels, qu'il a eu des blessures, qu'il n'a pas été au même niveau, au niveau de la qualité de son joueur, il y a toujours eu cette connivence entre les amateurs de golf et Tiger Woods. Partout où Tiger Woods va, il est vraiment impressionnant. Ouais. Il est au-dessus de tout le monde. Tout le monde le vénère. Les golfeurs professionnels aujourd'hui, il y a tout ce qu'ils doivent dire. Merci Tiger, bravo Tiger. Même si tu joues contre lui, félicite-le pour un bon coup, pour une raison. Il met tellement d'argent dans les poches des golfeurs avec les droits de TV, les commandites avec les compagnies. La semaine dernière, à RDS, on racontait que Nike avait un département, maintenant, ils ont éliminé le golf, mais il y avait avant un département où il y avait une quinzaine de personnes qui travaillaient à temps plein juste sur le dossier de Tiger Woods. Mm. Donc, ça prouve la grandeur et l'importance qu'avait Tiger Woods pour la compagnie Nike. Écoutez, les dernières années qu'il n'a pas joué, il gagnait encore 60 millions par année en redevance, en marketing, en publicité, en présence médiatique. Partout où il va, il est vraiment extraordinaire. Et la semaine dernière, même s'il n'a pas retrouvé sa touche magique sur les verts, il est toujours impressionnant. Moi, je dis que c'est le meilleur joueur de l'histoire du golf quand il n'est pas dans le fairway, quand il n'est pas dans le centre de l'allée. Okay. Quand aussitôt qu'il est dans le rough, dans le bois, des situations difficiles, Tiger Woods est vraiment tout à fait exceptionnel. Il sort des coups que normalement tout joueur doit sacrifier pour un coup minimum, puis des fois deux, pour se sortir d'un passe. Tiger réussit toujours le coup miracle, lui, pour se placer à bonne place, puis souvent réussir des coups extraordinaires. Mais pour le golf, c'est incroyable. Les codes d'écoute, il a mis de l'argent aux autres golfeurs aussi. Les bourses sont montées. Il racontait qu'il n'y a pas longtemps, même pas une vingtaine d'années, quelqu'un qui gagnait le Master, là, gagnait maximum un 200 000, 200-250 000, ce qui était quand même beaucoup d'argent. Aujourd'hui, écoutez, Tiger va faire près de 3 millions avec la semaine dernière. Donc, ça prouve que vraiment, le golf est rendu à un niveau maintenant des codes d'écoute, au niveau de la télévision, de la visibilité partout à travers le monde. Et en plus, faut admettre que l'arrivée également, avant, là, c'était un sport qui était réservé presque aux Américains, Nord-Américains. Maintenant, t'as des Chinois, t'as des Coréens, t'as des Allemands, t'as des Français, t'as des Anglais, t'as des Australiens, des gens de partout à travers le monde maintenant qui sont sur le circuit de la PGA. Faire la PGA aujourd'hui, là, c'est extraordinaire. Les 125 golfeurs qui ont accès chaque année au circuit de la PGA, la preuve de ça, c'est tellement difficile d'atteindre. Aujourd'hui, t'as la 2-3 séries de golfeurs qui sont en bas, qui veulent atteindre un jour la PGA ou se classer. Et il y a deux semaines, il y a un Canadien qui est lui, Connor, qui est même pas parmi les 125 meilleurs au monde, a réussi à se qualifier pour un tournoi. Et là, il a gagné le tournoi en plus. Donc, il est devenu une vedette au niveau canadien. Mais en plus, il donne maintenant accès pour les deux prochaines années à tous les tournois de la PGA. Et en plus, avec ce droit-là, il a eu l'accès au tournoi des maîtres la semaine dernière. Donc, il a vécu une expérience tout à fait extraordinaire de Canadien. Mais faut admettre que le golf, il est bien vendu, on fait des tournois importants, des confrontations importantes entre, exemple, Nord-Américains contre l'Europe. Et on fait toutes sortes de compétitions qui fait que ça attire énormément l'attention un peu partout à travers le monde. Phil, j'ai parlé avec son thérapeute cette semaine qui est un Québécois. Ce gars-là, oui? Tiger, a passé quand même Des années difficiles. Des années très difficiles. Ça a été un long chemin du désert. Il y a bien du monde qui aurait pu abandonner avec la fortune que Tiger a. Tu sais, juste retrouver la santé, c'était quelque chose, mais de écoute, Tiger, d'ailleurs, quand il a gagné dimanche, on voyait le 3 millions, bon, lui, c'était pas important. Oui. Parce que des millions, il y en a, là. Ouais. Mais c'était le fait de dire « Je suis revenu ». C'était ça, là. Puis de voir également ses enfants qui étaient là, qui ne l'avaient jamais vu gagner un tournoi important, majeur, parce que l'année dernière, il a gagné le tournoi de fin de saison, mais c'était pas le master. Mm. Le master, c'est toujours la suprématie, là. Donc, à partir de ce moment-là, il a gagné le gros tournoi que tout le monde veut gagner, le master à Augusta. Et là, vraiment, on voyait le plaisir qu'il avait. Sa mère était sur place. Mm. Et moi, ce qui m'a impressionné le plus, Danny, à la sortie, pour les gens qui n'ont pas remarqué, quand il est sorti, il y a eu un long corridor, tout le monde le félicitait, tout le monde l'applaudissait. Mais quand il est arrivé à l'endroit où il doit remplir sa carte, pas si tu as remarqué, il y avait 8-9 golfeurs professionnels, les meilleurs au monde, qui étaient là, pour féliciter et prendre dans leurs bras Tiger Woods. Mm. Pas le faire, parce que ce sont des compétiteurs. C'est des adversaires un peu partout sur le terrain. Mais Tiger a tellement de charisme, a tellement d'importance pour le de la PGA, que tout le monde se réjouissait de la victoire de Tiger Woods. Je pense que tout le monde aurait été déçu qu'il gagne pas ou qu'il fasse une erreur à la fin, qu'il aurait coûté le tournoi. Mais il n'a pas fait l'erreur. Il a réussi les bons coups. Puis, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien heureux. Puis, c'est vraiment un événement tout à fait exceptionnel. Bon, Phil, ce matin, on parle. Ça commence à parler pas mal. Tu sais, ça me fait toujours rire, ces affaires-là, parce que. Tiens, à la minute qu'il y a un joueur qui se démarque pas pire, les journalistes le voient tout de suite à Montréal. Et là, sur Twitter, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est même Elliott Freeman, qui est quand même quelqu'un de crédible, Elliott Freeman, là, il mentionne que Matt Duchene, le Canadien, était dans la course pour l'obtenir à la date limite des échanges. Et là, lui, il est certain que Matt Duchene, Marc Bergevin, va être très actif pour essayer de l'emmener. Moi, c'est drôle. Oui, il connaît de très, très bonnes séries, mais c'est pas le gars qui transporte une équipe. Moi, je toucherais pas à ça, moi. Je pense que Moi, j'irais bien plus chercher Carlson, qui est à Ottawa, qui est dans l'Ouest comme défenseur numéro un, personnellement, là. Ouais. Relancer cette équipe-là, parce que Weber, on le voit très bien ralenti, et plus en fin de carrière. Les blessures l'ont énormément ralenti les dernières années. Et l'attaque du Canadien l'année passée s'est quand même bien débrouillée dans l'ensemble. On n'a pas de joueur majeur. C'est sûr que l'arrivée d'un Matt Duchene pourrait aider le Canadien en attaque. Mais Matt Duchene, là, c'est pas Sidney Crosby. Mais non. Parce que je cherche, c'est même pas Malkin. C'est pas à ce niveau-là. C'est un bon joueur de hockey. Mais là, le problème qu'on vit là-dedans, Danny, c'est que quand il arrive une période de transaction, exemple comme les joueurs autonomes, les joueurs à agents libres, ou les joueurs qui terminent le contrat, puis là, on est ce qu'on appelle acheter des joueurs pour finir la saison. Il y a des joueurs qui prennent une valeur, je pense, qui est extraordinaire, mais qui, en réalité, ne sont pas ce genre de joueurs-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une tonne de joueurs sur le marché. T'sais, c'est un peu ça ce qui est arrivé à Matt Duchene. Et là, les Sénateurs étaient dans une situation, avec ce qu'ils avaient donné pour Matt Duchene, ils se devaient de l'échanger, la peur de le perdre, pour aller au moins monnayer certains choix de repêcheurs pour être capable de se relancer un petit peu. C'est un peu ce que les Sénateurs ont fait. Mais Matt Duchene, dans mon livre à moi, il est parti du Colorado. Est-ce que ça a empêché le Colorado de performer? Mais non. Pas du tout. Ouais. C'est l'inverse. Ils sont mis à progresser après le départ de Matt Duchene. Parce que Matt Duchene prenait tellement d'espace, prenait tellement d'ampleur auprès des gens, et tout le monde ne parlait que de Matt Duchene, les transactions, si à long terme, vas-tu rester, vas-tu être échangé, qu'on effaçait les joueurs comme McKinnon et les autres autour. Il est parti de là. Colorado a fait les séries. Ils ont continué à bien aller. Ce soir, s'ils gagnent, ils passent Calgary, qui est la meilleure équipe dans l'Ouest. Mm. Donc, moi, personnellement, Matt Duchene, oui, c'est un bon joueur de hockey. Il serait sûrement le centre numéro un des Canadiens de Montréal. Ça, il n'y a aucun doute. Le Canadien a le moyen de le payer. Il n'y a aucun doute. La masse salariale du Canadien laisse l'espace en masse. Mais personnellement, je pense que moi, je ferais bien plus une offre à nommer Carlson à la défense. Pour partir les. Parce que tu pars une équipe avec le gardien de but, la défensive, après tu t'en vas en attaque. Le Canadien, moi, je pense qu'avec Price encore pour les 4-5 prochaines années, Weber ralentit. On n'a pas vraiment de successeur à Weber. Mmh. Oui, on a Mété, puis on a des jeunes qui s'en viennent, mais c'est pas avant 4-5 ans. Si le Canadien veut continuer de progresser avec les gens qu'il y a là, il faut un autre défenseur numéro un. Moi, je mettrais de l'argent bien plus sur Carlson que je mettrais sur un gars comme ça. Pas juste ça non plus. T'as Kotkaniemi, t'as Suzuki, t'as Pelling, t'as Dano au centre. Là, attaque, le Canadien, les prochaines années, le futur est là. Puis deux, là, les Tatars, Domi, puis les autres ont progressé cette année. Ils ont avancé. Ouais. Ils ont pris confiance. Ils sentent qu'ils ont un rôle important à jouer. Demain matin, le match arrive ici, là. Tout le monde, vous connaissez les journalistes de Montréal, puis le monde, là, tout va être concentré. Sur qui tu penses? Ben oui. Sur Matt Duchesne. Mmh. Il va avoir la pression, lui-là, de performer et de mener l'équipe-là le plus loin possible. C'est le danger. Et Matt Duchesne n'a jamais été capable de faire ça avec des équipes. Là, actuellement, je regarde, là, oui, ils vont bien, la formation de Columbus. Mais toutes les transactions qu'il a fait, Panarin, c'est un joueur de première qualité. Le gardien de but, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Ils ont un excellent instructeur. Ils avaient déjà une bonne équipe. Ils ont fait des ajouts importants. Ils ont sacrifié beaucoup d'avenir pour ça parce qu'ils devaient foncer. Mais ça... Puis deux, Pittsburgh s'est fait battre par les Islanders de New York. Les Islanders avaient perdu qui, tu penses? L'année passée, là, quand ils ont perdu John Tavares, tout le monde a dit, dans le bas du classement, ils ont fait quoi? Ils ont mieux performé sans Tavares qu'avec un autre. Ouais. Donc, c'est là que tu vois que le hockey amène son lot de surprises. Si Calgary est éliminé ce soir... Les deux meilleures équipes dans l'Ouest et dans l'Est, première ronde, out. Ben, c'est ça. Puis, c'est peu rare pour la Ligue nationale et les codes d'écoute également. Effectivement. Phil, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Tommy, Phil,